Les choses se referment, les dos se resserrent, motherfucker. You know me. L'hiver me hante. Yo, yo, l'hiver me hante, ma gueule. Ouais, ouais. L'hiver me hante. Frère, quand je me zappe en vrai, qui sème le sang récoltera l'enfer, moi. Je veux que le monde puisse vivre ensemble. Fais pas ton air outré, je reste essoufflé à force d'être mis dans le vent, quoi. Absence plonge dans le ravin, v'là chaud d'un cancre. Attendre qu'on me tente, la main va comme un gant. Sachez, je m'enfonce à la longue. Là, c'est changeons ça, ça plombe. Misère décuplée, triste, je reste perturbé. Je tire mes verres du nez, là, les mensonges à rallonge. Je m'amuse au pif, je suis pas du genre à plus me sentir. J'ai plus vos tripes, je suis hal, je suis le temps, j'abuse sans rire, ouais. Mec, leur plan s'engrave l'oseille. Le peu de temps quand je grasse, je promets que je gueule sans prendre la grosse tête. Quête, figure-toi, je me vois la face droit vers une vie sage. Illusoire de croire à ça, je vois les puris partent. Toi, c'est le pugilat. Mais la 8, ça passe, y'en part de je tire mes dards. Frère, la nuit appartient à ceux qui se lèvent tard. Ouais, ma couille, tu veux du bon son, laisse faire. Parfois, on se court, ouais. On se trompe, c'est vrai. Ouais, mon petit, faut pas confondre les têtes. Tu te demandes, c'est qui, c'est tonton FL. J'combat, j'crame trop de chambres, non, ça s'arrange pas. Faut que j'm'arrache, commande, non, j'vois pas comme ça. Gros, y'a pas de commande, c'est de la rime que j'envoie. Flow face arrogance, oui, j'ai ça en moi. J'me prends la tête, car il faut de l'oseille, un couss. Dans ce pays de merde, j'espère voir le soleil un jour. Apparemment, tu veux du sexe, faire la fête, ouais, t'inquiète. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sou. On voulait tous être des Saiyans comme Son Goku. Et plus le temps passé, ouais, ma gaille, elle change beaucoup. En ce moment, souvent, je m'écrase car je pense au coup. Même maintenant, j'en ai ma claque de temps de l'autre chou. N-A-H-L, F-L-O, c'est Namo, Nasmala, le binôme, ok. Tifa à la prod, ça fait. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, y'a encore Klazeb. Le monde part en couille comme dans World War Z. J'kick ça fort avec le poteau de la mine d'or. J'écris la nuit, donc la journée moi la mise d'or. Les parents prennent de l'âge, il est temps que ça change. Faut que j'prenne le large, ouais que j'tente ma chance. Y'a que sur soi-même qu'on peut compter dans tous les cas. Pour miser sur moi, faudrait peut-être que j'trouve les cartes. J'écris à la chaîne, j'sors des textes d'usine. C'est pour mes têtes cramées comme mes tests d'urine. J'arrive en force, accompagné de Flo et Cinnamon. J'me vois pas sans musique, ouais c'est grave, j'kiffe la scène à mort. Le binôme là c'est malin, encore un 16 que j'amorce. Comment croire en soi si dès le départ c'est déjà mort. Le père de vue des potes, en grandissant on devient distant. J'vais pas te raconter de la merde, les fun si en disent. Complet toxique, pour nos Suisses à malin rigola. Écoute, fou les cris, connard pas de rigola. Ni de bricolage, celle qu'en Liège, on fait péter l'enfant. C'est pas nos grammes, non c'est pas notre âge de dire qu'on aime danser la polka. Plaid toxique, pour nos Suisses à Valin Ricola. Écoute, fou écrit qu'on a pas de ricola ni de bricolage. Celle qu'en Liège, on fait péter l'encéphalogramme. Non c'est pas notre âge de dire qu'on aime danser la polka. J'écris sous pression, que des phases et des couplets sombres. Si t'aimes hap, t'as qu'à couper le son. Mec c'est salissime, j'atterris dans les complots. Si t'es allergique à mon flow, prends des claritines. C'est le monde à l'envers, ouais même les meufs tapent. Bah ouais ma chute est attendue comme PlayStation 4. Là c'est le seum qui parle pendant que nos familles triment. Mais moi je veux monter des étages un peu comme Danny Green. Que du vrai dans mes rimes, non y'a pas de conflète. Je me mets bien mais je sais pas ce qu'on fait. On a des rimes ouais, qui t'abîment l'oreille. Prépare ton trou, t'es ma ton crew, c'est la famille Groseille. Partout c'est la même, ouais les gens ont des facettes. Plutôt que de dire la vérité, grand ils te chantent des cassettes. J'ouvre une bouteille dès qu'un nazi décède. Vas-y bâtard, salis le bazar un peu comme JDZ. Depuis la maternelle, j'suis pas très net. Faut que j'accélère ce train de vie, j'crains le vide. J'le comble quand j'gratte des 16. La mode des jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'ils jactent Kennedy. Ils veulent serrer de la meuf, plus bonne que Jackie Kennedy. Ma vie qu'elle est triste, encore un dépannage dans le ZEF. J'veux les sans patates, oui, mais j'ai pas l'accent belge. J'suis plus freestyle à capella, car les m'chèques en boîte. Plus de mailles en poche, ça sent le trafic de carnichèques en bois. M'si ramasse tes tampax, ta sacoche Adidas. Si tu pas dans les temps, on j'assorte l'habitat. Si vous croisez le descendant de Louis XVI, amenez sa tête. On fêtera ça avec un pocheton d'amnésia. Hey, nous laisse peu de choix, burqa ou poussi riot. Perso je m'en branle avant de partir, faut que je bousille la prod. Mec viens pas chez nous si les campagnards te saoulent. Car derrière un verre levé se cache une grande bagarre de sous. Je vais te péter la gueule. Ricola, écoute ce qu'on écrit, connard pas de ricola ni de bricolage. Celle qu'en Liège, on fait péter l'encéphalogramme. Non c'est pas notre âge de dire qu'on aime danser la polka. Plaid toxique, pour nos Suisses à Valin. Ricola, écoute ce qu'on écrit.